Une belle-mère d'Hector Malo. Deuxième partie du mariage de Juliette. Chapitre 1er. La mode exige qu'on parle en voyage le jour où l'on se marie. Ceux qui les premiers ont adopté cet usage avaient probablement pour but d'échapper aux plaisanteries gauloises de quelques parents peu discrets. Mais la bégueulerie du siècle aidant, ce qui était tout d'abord l'exception est devenu la règle, aujourd'hui il n'y a que les gens du commun qui osent être heureux chez eux. En mariant leurs enfants, Madame d'Alifard et Madame Nélis s'étaient donc rencontrées sur ce point que Juliette et Adolphe devaient partir en voyage. Il n'y avait point eu discussion à ce sujet, tant la chose paraissait naturelle aux deux mères. Les plaisanteries des amis ou des parents n'étaient pas à craindre, mais les convenances étaient à respecter. De leur côté, Adolphe et Juliette n'avaient mis aucune opposition à cet arrangement. Adolphe, parce qu'il était impatient d'avoir tout à lui celle qu'il aimait, et que le voyage devait lui assurer un long tête-à-tête. Juliette, parce qu'elle ne résistait à rien depuis qu'elle avait consenti à se marier. Et elle considérait en effet qu'en donnant son consentement, elle s'était engagée d'avance à accepter tout ce qu'on exigeait d'elle. Et bien que ce voyage ne fût pas pour lui plaire par toutes sortes de raisons, elle n'avait pas voulu le repousser. Il convenait à sa mère, à sa belle-mère, à son mari. Il devait lui convenir aussi. Les explications qu'elle aurait pu apporter à l'appui de son fût étaient si vagues et même si bizarres qu'elle n'eût pas voulu les formuler devant tout le monde. On l'aurait accusée d'originalité, on ne l'aurait sans doute pas comprise. Elle avait donc accueilli sans aucune résistance l'idée d'un voyage en Suisse. Après tout, pourquoi pas? Elle ne connaissait point la Suisse, autant voyager que rester à Paris, autant aller en Suisse qu'ailleurs. Cependant, lorsqu'en attendant le départ du train de Genève, elle se promena sur le quai au bras de son mari, elle éprouva une impression qui la troubla et la gêna. Pourquoi tous ses yeux se fixaient-ils sur elle? Pourquoi les hommes la regardaient-ils en souriant et les femmes avec curiosité? Qu'avait-elle qui la désigna à l'attention? Comment devinait-on qu'elle avait été mariée le matin même? Et en quoi d'ailleurs une jeune mariée est-elle plus curieuse à voir qu'une jeune fille? Si elle avait osé, elle aurait prié Adolphe de montrer moins de joie et de ne point crier son bonheur à toutes ses oreilles. Elle ne savait point que l'amour est celle de toutes nos passions, qui échappe le plus difficilement à la curiosité, et que deux amants, comme deux jeunes mariés, sont devinés par les gens les moins observateurs. Alors on s'attache à eux, on les suit et on les épie. Enfin, elle put monter en voiture, et la portière fut fermée par un employé à l'air vainqueur, qui resta appuyé un peu plus longtemps qu'il ne le fallait sur la poignée. Lui aussi était souriant et disait « Je ne m'y trompe pas, je vous devine, vous êtes une mariée. Bon voyage, aimez-vous bien. » On partit. Ils étaient seuls. Adolphe alors se mit à tout arranger dans le coupé, à faire ce qu'on peut appeler le ménage du voyage, et cela prit un certain temps. Mais bientôt tout fut organisé et il s'assit près d'elle. Le train déjà filait à toute vitesse et les coteaux de Villeneuve-Saint-Georges disparaissaient dans le lointain sombre. Il lui prit doucement la main et la garda dans les siennes. Qu'allait-il dire? Son cœur se serra. Elle eut peur d'entendre le premier mot qu'il allait prononcer, comme si c'était celui qui devait décider de sa vie. Et de fait, le moment pour tous deux était solennel et l'émotion était bien permise. Pour la première fois, ils étaient seuls, en tête à tête, et maintenant, ils étaient mariés. Quelle serait la première parole du mari? Quel serait le premier regard de la femme? Instinctivement, elle détourna la tête et regarda à travers la glace fermée. Il la tenait toujours par la main. Elle sentit qu'il l'attirait doucement, mais elle continua à regarder le paysage sans le voir. « Qu'avez-vous? » dit-il. « Souffrez-vous de la chaleur? Voulez-vous que j'ouvre la glace? Je veux bien. » Et pendant assez longtemps, elle resta la tête appuyée sur la portière. Il avait repris sa main. Il ne pouvait pas voyager ainsi pendant toute la nuit, cette attitude était ridicule. Elle se retourna et le regarda en face. Il l'entoura de ses deux bras et voulut l'attirer contre lui, mais elle le repoussa doucement. « Ne sommes-nous pas seuls ? » dit-il. « Nous n'avons pas de regard curieux à craindre. »« Les vôtres ? » dit-elle. « Ne suis-je pas votre mari, chère Juliette? Car maintenant nous sommes bien l'un à l'autre. » Et se mettant à genoux devant elle, il lui prit les deux mains et la contempla longuement, mais elle l'obligea à se relever. Ne pouvons-nous pas voyager ensemble cette nuit comme nous aurions voyagé hier ? Dit-elle. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Si vous vouliez qu'il le fût encore. À son tour, elle lui prit la main, et comme il voulait se pencher vers elle, elle le maintint doucement à sa place, puis, regardant au dehors, elle se mit à lui parler de choses indifférentes, du paysage, de la Seine qu'on venait de traverser, de la forêt de Fontainebleau qu'on allait atteindre. Pendant longtemps, ils devisèrent ainsi. Tout d'abord, il avait paru rêveur, mais bientôt il s'était abandonné au plaisir de cet entretien. N'étaient-ils pas seuls, ensemble ? Ne la tenait-il pas sous ses yeux ? Il prit si bien son parti de la situation qui lui était faite, qu'il voulut obliger Juliette à dormir. Elle se défendit un moment, mais enfin elle se laissa convaincre. Elle ferma les yeux. Seulement, au lieu de dormir, elle rêva. Toute sa journée avait été si remplie, si troublée, qu'elle n'avait pas eu une minute pour être seule avec elle-même et réfléchir à ce qui se passait. L'église, les compliments, les embrassements, le déjeuner, les recommandations de sa mère, celles de sa belle-mère, elle avait été entraînée. Maintenant, elle pouvait revenir en arrière. Ainsi, elle était mariée. Jusque-là, ce grand mot de mariage n'avait pas un sens bien précis pour elle. Elle s'était dite « Je serai mariée tel jour ». Mais ce qui est au futur nous laisse toujours une indécision dans l'esprit et dans l'âme. À chaque instant, on se dit « Je mourrai un jour » et pour cela, on ne pense pas à la mort, de manière à sentir fortement ce qu'est cette mort. Maintenant, ce mariage n'était plus au futur. Il était au présent, et déjà même, quelques heures étaient au passé. Pendant ces dernières journées de liberté, il y avait une question qui avait oppressé son esprit et qui avait longuement agité en la tournant sous toutes ses faces. Aimerait-elle son mari ? Et malgré la précision qu'elle s'efforçait de mettre dans ses interrogations, malgré la sévérité de l'examen qu'elle s'imposait, elle était toujours restée dans un certain vague. Adolphe était d'une bonté inépuisable. Il était doux et patient, il était généreux, il était intelligent. Et pendant des heures, elle énumérait ainsi les qualités dont il était doué. Sans peine, elle les reconnaissait en lui, tant elles étaient évidentes. Mais cette énumération ne l'amenait pas à la conclusion qu'elle cherchait. On peut être un homme parfait et ne pas inspirer l'amour. Aimerait-elle cet homme qui avait toutes les qualités ? Maintenant, la question qui se posait devant elle avait bien peu changé, et cependant, elle était autrement sérieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Aimait-elle son mari ? Il l'avait doucement attirée contre lui, et elle reposait la tête appuyée sur son épaule. Elle était déjà entre ses bras, et elle s'interrogeait encore. Un frisson la fit tressaillir de la tête aux pieds. Elle voulut se dégager dans un mouvement de honte, mais il la retint. « Vous ne dormez donc pas ?» dit-il, d'une voix qui se faisait tendre et caressante, comme pour parler à un enfant. « N'ayez pas peur, chère Juliette, je suis près de vous, vous êtes dans mes bras, votre tête est sur mon épaule. » Elle ouvrit à demi les yeux. Les arbres noirs défilaient avec une rapidité vertigineuse et de temps en temps, des nappes fulgurantes comme des éclairs étaient projetées contre les talus, qu'elles éclairaient de lueurs de feu fantastiques. Le train, lancé à toute vitesse sur une pente, faisait entendre un bruit infernal. Elle ferma les yeux et ne bougea plus. L'impression physique se mêlant à l'impression morale, il lui sembla qu'elle était entraînée par une force supérieure contre laquelle il n'y avait pas à résister. Elle avait accepté ce voyage, elle avait accepté ce mariage. Maintenant, il n'y avait qu'à aller jusqu'au bout. Elle était dans la nuit. Mais le jour qui se lèverait certainement pour la voyageuse dans quelques heures, se lèverait peut-être aussi pour la femme, plus tard. Alors, elle aussi, elle aurait un rayon de chaleur et de lumière. Et puis, fallait-il absolument aimer pour être heureuse ? La vie ne pouvait-elle s'écouler sans amour ? Elle avait de l'estime pour son mari, de l'amitié, de la tendresse. Et n'est-ce pas assez ? Ce sont les poètes et les romanciers qui ont mis la passion dans la vie. La réalité doit-elle s'inquiéter de ces vaines fictions de l'art, bonnes tout au plus pour occuper une imagination de 20 ans ? Si elle n'aimait point son mari, elle aimerait ses enfants. Elle serait assez forte sans doute pour imposer silence à ses désirs et à ses rêveries qui autrefois avaient gonflé son cœur et enflammé son esprit. La vie ordinaire n'est pas faite de poésie et de rêverie, et d'ailleurs, N'y a-t-il pas quelque chose d'assez grand dans le dévouement pour remplir l'existence d'une femme? N'est-ce pas le bonheur que de rendre les autres heureux? Ce besoin d'expansion, cette chaleur, cet enthousiasme qu'elle sentait vaguement en elle, elle les emploierait au profit de ceux à qui sa vie serait liée. Cela vaudrait mieux, cela serait plus grand et plus généreux que les employer à son seul profit. Une grande partie de la nuit s'écoula pour elle dans cette méditation, et peu à peu, le calme se fit dans son cœur, tout d'abord agité. Puis la fatigue la prit, et sans en avoir conscience, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, la nuit était dissipée et le soleil se levait. En ouvrant les yeux, elle rencontra ceux d'Adolphe fixés sur elle. « Dors encore, » dit-il. « Je suis si heureux de te voir dormir. » Mais elle se redressa vivement, et ouvrant la glace qui avait été fermée, elle resta assez longtemps à respirer l'air frais du matin. Puis, tout à coup, se retournant avec un sourire, elle prit la main d'Adolphe et la lui embrassant. « Bonjour, mon mari, » dit-elle.